quelqu'un. Wow. Ça ferait longtemps que j'aurais tué ma mère. Wow. Si j'étais américain, wow. Ça ferait longtemps que j'aurais tué mon père. Wow. Si j'étais américain, wow. Ça ferait longtemps que j'aurais tué mes parents. Wow. Wow. Wow. Wow.